Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bon matin à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 91. J'espère que tout, ça part bien. J'espère que tout le monde va bien en ce lundi matin du 17 janvier 2022. Une nouvelle année, une nouvelle ère qui commence. Et puis, je suis au bureau, je suis pas mort, c'est la tempête du siècle dehors et c'est blanc, ça fouette la face. Mais je suis venu au bureau et puis ça me tentait. Là. Ma blonde reste à la maison avec les enfants. Le plus vieux, vu qu'il va à l'école privée, va avoir de l'école aujourd'hui, mais le plus jeune, pas d'école encore. Mais il y avait de l'école Zoom en tout cas. Bref, on partira pas là-dessus tout de suite, je vais en parler tantôt. Fait que, ouais, 2022, j'ai bien hâte de voir ce que cette année va nous réserver. Tu sais, l'année passée, c'était la fin de la COVID, hein, les vaccins, tout ça allait être terminé, puis tout. Puis là, au mois de décembre, on est redescendu au plus creux du plus creux. Ben, pas plus creux au sens que c'était pas la pagaille puis la mort dans les CHSLD comme au début. Mais je parle juste, mettons, au niveau des règles à suivre et puis de ce qu'on peut faire ou non, là, tu sais. Fait que ça a bien... non, ça donnait un grand coup. On avait bien des plans, nous autres, dans le temps des fêtes, d'aller voir nos deux familles à Saint-Hubert. Mes parents sont à Saint-Hubert. Et en Beauce, la belle famille. On avait un party du jour de l'an chez ma sœur. On avait des parties avec des amis. Puis, il n'y aurait rien eu de tout ça, finalement. C'est drôle comment l'année passée, quand il n'y a pas eu de genre de Noël, peut-être parce qu'on savait un petit peu plus d'avance. Tu sais, comme là, c'est comme, OK, restez chez vous. C'est comme, j'ai pris ça comme un break, tu sais, ça en fait du bien. Juste comme chiller, puis pas partir sur la route, puis tout. Puis, là, cette année, ça m'aurait fait du bien de m'en aller. Pour être franc, j'ai trouvé vraiment ça difficile, le temps des fêtes, cette année. Rien faire dans la maison. Asti, moi, ça me tue, là. Je suis comme en cage, là. J'haïs ça. Je suis pas capable, tu sais, de... Puis je suis comme coincé, là, tu sais. Okay, on fait des tâches, on gosse des affaires, mais t'arrives pas à rien avancer dans tes projets, personnellement ou professionnellement, tu sais. Tu peux pas aller nulle part, il y a un couvre-feu, tu sais. C'est-tu con, ça, en plus, ce couvre-feu-là? C'est un couvre-feu, man, quand il fait moins 30, 40 dehors. Là, on ne sort pas dehors anyway, là, tu sais. Ça a duré une semaine, ce couvre-feu-là. Quelle farce, quelle mauvaise idée, là. Ça a pas de style de bon sens, ça. Ah, je bois du café. Fait qu'ils l'ont enlevé hier, puis ça va rien changer à personne, mais c'est vraiment pour le principe, là, tu sais. C'est vraiment une mauvaise idée, là. Mais parce que le monde sont écœurés, tu sais, comme rajoute pas des mesures non vraiment nécessaires en plus, rien que pour dire qu'on a des mesures, là, tu sais. Ça m'énerve. Fait que dans le temps des fêtes, c'est ça, j'ai rien fait. Les enfants veulent rien faire, ils veulent pas aller dehors, ils veulent pas. Anyway, on peut pas aller chez les amis peuvent pas venir. Fait qu'on tourne en rond, esti, comme des épais. On peut pas faire du sport, on peut pas rien faire. C'est vraiment de la merde. Et puis, là, on n'a pas le contrôle là, de cet Omicron, bien sûr. Tu sais, au début, c'est comme, oh, il y a 3000 cas. Vite, tout le monde chez vous, fermez les fenêtres, tout, mettez des masques. Oui, oui, oui. Puis là, on écoutait, puis c'était correct, puis c'était ça, puis le monde mourait, puis tout. Mais là, à cette heure, oui, les gens meurent encore, puis chaque mort est une mort de trop. Cependant, je vais mesurer ces stats-là, tu sais, il faut prendre, moi je pense, en considération ce qui se passe en temps normal, même qu'il n'y a pas de COVID, il y a des gens qui meurent malgré tout, tu sais, la COVID en fait mourir plus que s'il n'y avait pas de COVID, bien sûr, plus que la grippe ou quelconque autre affaire, tu sais, c'est là que je me questionne, tu sais, est-ce qu'on donne trop d'importance à la COVID, là, tu sais, versus le dommage qu'elle fait, là, tu sais. Là, c'est sûr, c'est le délestage qu'on entend beaucoup parler, puis avec raison, tu sais. S'il fallait que je me fasse opérer parce que ma mère fallait qu'elle se fasse opérer pour une opération importante qui s'est avérée finalement non cancéreuse, Dieu merci. Ça, juste avant Noël, ça a été notre cadeau de Noël. Mais ça y a pris des mois et des mois et des mois là, avant d'avoir son opération, là, chose qui normalement aurait passé assez vite. Fait que, il était comme un peu là le problème. Mais là, le problème, c'est-tu genre. c'est-tu à la COVID ou bien c'est qu'on n'a pas assez d'hôpitaux, de monde, on n'a pas assez de monde pour travailler, là, tu sais, dans le fond, c'est ça qui se passe, là, tu sais, on manque-tu d'infrastructures et de personnel, c'est plus pour pallier aux maladies importantes quand elles arrivent, ça a l'air d'être un peu ça, parce que on n'a pas eu dernièrement des épidémies mondiales à gérer au Québec, tu sais, alors c'est là que tu te rends compte de toutes tes failles, là, tu sais, c'est comme, oh boy, on n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de docteurs, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de lits, on n'a pas assez de tout. Puis c'est une surprise, puis c'est normal, puis c'est correct, mais il faut se revirer, tu sais. Puis c'est dur à revirer un gouvernement, ben pas un gouvernement, mais un gros système, tu sais. Fait que c'est ça qui se passe présentement, donc, mais j'approuve le gouvernement d'avoir essayé d'augmenter les salaires. Quiconque veut suivre une formation, allez travailler. Vous autres, on règle ça, vous allez travailler aussi, tu sais, comme... Ça, c'est se revirer, pas sur un 10 cents, là, c'est se revirer sur un 10 piastres, mettons, mais c'est se revirer pareil à la vitesse grand V pour une grosse machine qu'est le système, tu sais. Donc, ça, c'est quand même bien. Mais c'est ça, tu sais, la maladie, là, on contrôle plus, là. Là, c'est des tests rapides, là, c'est... T'as-tu eu un cas? Ah, c'était 10 jours. À cette heure, c'est 5 jours. Alors, retourne travailler après. C'est comme, t'as COVID, mais t'es correct. Bon, on va opérer du monde, là. Il y a du monde qui meurt, là, tu sais. Ils ont besoin de se faire opérer. C'est ça, là, à cette heure, là. C'est go, tu sais, on vit avec. Puis, on est crissement rendu là, à mon avis, là. Je veux dire, ça donne rien même de compter les cas, là. Arrêtez de compter les cas, tu sais. C'est un raz-de-marée, c'est un tsunami, man. On est tous en dessous de l'eau, présentement. Même si on fermait les fenêtres, tout, qu'on barricadait, l'eau, elle rentre par les fenêtres, l'eau, elle arrachait le toit. T'es inondé. On est tous inondés. Puis, il n'y aura rien qu'on peut faire pour se débarrasser de ça. Puis, ça va partir tout seul, le variant Omicron. Puis il va probablement avoir d'autres variants éventuellement. Le Omicron, il faisait peut-être juste nous pratiquer mentalement. C'est comme un réchauffement pour les prochains gros variants, tu sais. Fait que là, quand il va avoir des gros variants, puis ça sera plus des 3000 cas qu'on a la grosse chienne, puis ça va être à coup de 30 000 par jour. Ben là, on verra bien. Mais faut faire avec, tu sais, faut puis tu sais, je dis pas, c'est pas la peste là. C'est pas la que genre le monde meurt automatiquement là, ça c'est, je veux dire, c'est atroce là, tu sais. Et là, c'est comme ah, je l'ai, t'sais, j'ai eu des employés qui l'ont eu, il y a des amis. Moi je suis chanceux, je l'ai pas eu encore. Ça va venir, je pense que tout le monde va l'avoir à un moment donné. Et puis il y a plein de monde dans mon entourage qui l'ont eu là. Il y en a qui l'ont eu deux fois puis même trois fois. Puis tu passes au travers, puis tu fais tes affaires, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas si pire que ça, moi je trouve, tu sais. Puis en même temps, encore une fois, je veux pas, tu sais, minimiser l'impact, tu sais, des gens qui décèdent. Ça ne devrait pas. Mais je pense que ces gens-là décèdent surtout parce qu'on n'arrive pas à les soigner comme il faut, parce qu'on manque d'effectifs, tu sais. C'est pas un problème tant de maladie que de gestion, tu sais. Fait que c'est ça. Faut pas qu'il y ait trop de malades aux soins intensifs parce qu'on n'arrive pas à gérer, tu sais. Mais si tu pognes la maladie, reste chez vous, ça va passer, tu sais. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Avouez, là, tu sais. C'est pas genre, my God, t'es condamné à mort, t'as pogné à la peste, tu sais. Le scorbut, tu meurs, c'est sûr, tu sais. C'est pas ça, là. Fait que, moi, je vous dis, man... Je sais bien pas qu'est-ce qu'ils vont en retourner de ça. Mais c'est toujours pareil, tu sais, t'as tout le temps... L'été, y a rien. Y aura rien cet été. On va peut-être pouvoir enlever nos masques, là, ou ils vont peut-être nous les faire garder, là, à plus 30, là, avec l'humidité pis tout, là, parce qu'ils vont avoir eu la chienne, là, whatever, mais... cet été, on va enlever nos masques, on va faire comme avant, hein, pis là, l'automne va revenir, la rentrée scolaire, pis là, c'est comme, oh, la rentrée scolaire, y a des cas de COVID, pis là, c'est ça. Pis là, c'est le temps des fêtes, comme présentement, où il fait crissement fret, fait que là, une autre vague, tu sais, là, au printemps, ça va baisser, pis c'est ça, année après année, c'est ça pour la grippe, c'est ça pour la COVID, c'est ça qui est ça, tu sais, faut moi, je trouve qu'on panique en hostie. On panique vraiment. Puis, ça fait 2 ans là, qu'on vit avec ça. Là. Puis, on a vécu des affaires, là, puis des règles, des conférences de presse, puis de tout. Je pense qu'on peut baisser le niveau de panique, puis se redresser les manches, puis se retrousser les manches. Je veux redresser les manches, des belles manches drettes. Et puis, travailler là-dessus, tu sais. C'est ce que le gouvernement a fait, je pense. Fait que c'est ça, je suis bien content là, matin, j'étais content. Hier, on retourne travailler au bureau, tu sais, comme les dossiers pis tout. Pis là, c'est « Hey, tempête de neige, les enfants à maison! » Asti, man. Non, mais, ouais, sérieux, là, il est grand temps là, qu'on passe nos journées chacun de notre bord, là, tu sais, on se tape ses nerfs, pis pas tout le temps, là, tu sais, mais... Mon plus vieux, il tourne en rond, il joue au hockey tous les jours, du lundi au vendredi à l'école, tu sais, normalement. Puis il a ses amis, puis ses études, puis ses jeux vidéo, puis tu sais, il est busy, là. Puis là, il est dans la maison, man. Il se lève à midi, puis il s'endort plus le soir, il est complètement viré à l'envers. Le jeune qui est d'un naturel super heureux, tout le temps en train de sautiller dans la maison, là, il était tout le temps tabarnak, puis maussade, puis... C'est plein, rien à faire, hein. Nous gueule après. Bon, on va aller prendre une petite marche. Ah, c'est bien là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aussi? On va prendre l'auto, on va aller glisser. Non! Fait que c'est ça. Puis moi, ma blonde, on fait des tâches, aussi. Puis on sait pas le gros quoi se dire. On écoute la TV, et puis ça tourne en rond de main. Fait que c'est vraiment de la merde. Il est temps que ça finisse. Grand temps. Puis, ouais. Sinon, j'ai enlevé la moustache, comme vous avez vu. Ça va pas durer longtemps, finalement. Je veux dire, ça me faisait correct. J'aimais ça, tu sais. Mais je trouvais que ça me vieillissait beaucoup. Puis, je trouve qu'un de mes features, c'est d'avoir de l'air jeune. Je ne veux pas me vanter, là. Mais je pense que j'ai de l'air plus jeune que je le suis. J'ai eu 42 ans, d'ailleurs, à Noël, le 25 décembre. Donc, je change pas grand-chose. Je préfère ça, c'est un beau chiffre rond. 2022, 42 ans, tu sais, moi c'est le fun, ça suit là, 1, 2, 3, ça suit les années, fait que c'est ça, quand c'est un chiffre rond, comme moi 2010, j'avais bien de l'espoir, 2020, j'avais bien de l'espoir là-dedans, et puis ça a été la marde, mais là, 2021, je voyais ça comme une année tampon, là j'espère que 2022, ça va être une vraie belle année là, de construction, tu sais. Fait que j'ai enlevé la moustache parce que d'un, ma blonde n'aimait pas vraiment ça. Puis, tu sais, vu qu'on est tout le temps ensemble, on est aussi bien d'essayer de lui plaire le plus possible. Puis pas avoir de l'air de quelque chose, pas porter des choses qu'elle aime pas. Fait que je voulais arranger ça. Et puis, ouais, je trouvais que ça me vieillissait un peu trop. Alors, je l'ai enlevé. Mais je l'aurais essayé, vous l'avez pas vu parce que j'étais chez nous en temps des fêtes avec ma moustache. Puis, j'ai pas fait de podcast. Mais je l'ai essayé, puis c'était correct. Peut-être plus tard. Mon père porte la moustache, grosse moustache de police. Mon père était policier, non, SQ, c'était son métier. Et puis, il a toujours sa grosse moustache de police encore à ce jour. J'ai jamais vu mon père pas de moustache. Il l'a rasé une fois quand il est arrivé ici, quand mes parents ont déménagé à Saint-Hubert, en 2000, là. Mais je l'ai comme pas vu, ou je m'en rappelle plus, là, tu sais. Moi, j'étais aux études, j'allais pas souvent chez mes parents, pis tout ça. Là, ma mère était bien traumatisée de ça, fait qu'il l'a laissé repousser. J'aurais aimé ça voir ça. Là, mon père, il a les cheveux longs aussi, à cette heure. Hein. Il a de l'air d'un vieux Jean-Claude Van Damme, ce qui est quand même pas pire. Comme dans Double Impact, là, c'est lui qui a la couette, là. Fait que, ouais, c'est que c'est ça. Sinon, quoi d'autre? J'ai posé un lave-vaisselle, ça a été long chez nous, esti, j'ai fait de la plomberie. La plomberie chez le locataire en haut aussi, ça c'était moins pire. Tu sais, je sais pas si vous êtes du genre à faire des... pour la nouvelle année, à avoir des... voyons. Comment est-ce qu'on appelle ça? Je m'en rappelle plus. Vous êtes tous en train de le dire chez vous, là, présentement. Mais c'est ça le mot, j'ai oublié. Mais de se fixer des buts, avoir des objectifs pour la nouvelle année. Et puis, moi, je fais jamais ça, vraiment, parce que je trouve que ça met de la pression. Il faut... Moi, je me fixe des objectifs à longueur d'année, en fait. Tu sais, je suis tout le temps avec un quelconque objectif, tu sais. Puis, tu sais, mettons, j'avais un projet bière, puis j'ai pas mis une croix là-dessus définitive du tout, en passant. J'en parlais quand même pas mal, quoi, c'était dans l'été passé, ça. Et puis, c'est pas parce que j'en parle pas que ça existe plus, c'est encore dans ma tête, puis j'y pense régulièrement. Mais là, le timing n'est pas bon. Et puis, moi, je crois au timing et je crois au genre travail ou, tu sais, plug des fils pour qu'il y ait une étincelle et que les affaires se passent. Puis, j'ai essayé beaucoup. Puis, il y a eu des petites étincelles, mais il n'y a pas eu la grosse étincelle encore. Mais ça va venir. C'est peut-être une affaire de circonstances. C'est pas le moment. C'est pour ça que ça n'arrive pas. Puis c'est pour ça que je veux pas me mettre de pression avec ça. C'est comme, OK, c'est en 2022 que ça se fait. C'est comme, non, tu sais. Par contre, si c'était juste parce que je le vois cette année, je vais faire ça. Je lâche, tu sais, par rapport à mon projet. C'est pas, je travaille tout le temps, tu sais. C'est pas comme, je fais rien. Ah, faudrait, ben, c'est comme, non. Quand je veux de quoi, je m'arrange pour que ça se fasse autant que je peux. Mais présentement, c'est difficile pour un projet bière ou pour quelconque autre projet, en fait. Donc, c'est pour ça que je me fixe aucun objectif là, par rapport à ça. Ça viendra bien assez vite là, quand la COVID nous enlèvera les bâtons de dents roues. Et puis, au niveau personnel, tout va bien, là, je dirais. Vous savez, dans la vie, et puis j'en reparlais de ça avec des amis dans le temps des fêtes, Si tu balances, si ta vie est balancée, tu auras besoin, tu te priveras jamais de rien. T'sais. Si tu fumes à tous les jours, il faut que tu arrêtes de fumer. Si tu manges trop à tous les jours, ben il faut que tu arrêtes de manger. Et puis en plus, il faut que tu perdes du poids pour si tu as trop de poids. Tu comprends? Moi, j'essaie d'être balancé autant que possible. Je ne mange pas des chips à tous les jours, mais j'en mange le vendredi. Ou, tu sais, je mange une poutine. Je mange jamais, tu sais, comme ici, les employés, des fois, ils dînent des poutines, puis ils mangent des dîners congelés, des affaires de même. Ou le monde, tu sais, ils mangent mal. Moi, je mange pas mal, parce que ça me plaît pas, en fait. Dîner une poutine, j'aime pas ça. Tu sais, sur le coup, t'es comme, yeah, j'ai fait ça une fois, genre, depuis 2 ans que j'ai dîné une poutine. Puis on a le poutine central de direct à côté. Puis quand les gars, ils en mangent, moi, je capote. Je suis comme, ah, c'est-tu... Mais là, je mange mon tofu Général Tao en lunch que je me suis fait. Moi, j'aime ça, tu sais, comme j'économise, j'ai mon propre dîner. Et puis, c'est meilleur pour la santé. Ça me donne une belle énergie pour travailler après-midi. Tu sais, moi, c'est plus mon état d'esprit comme ça. Puis, même affaire pour la boisson, tu sais, je veux pas boire à tous les jours. Mais par contre, quand je me donne le droit de boire, vendredi soir, tu sais, la bière est vraiment meilleure, tu sais. Puis j'ai pas de problème qui se développe par rapport à l'alcool. Donc, tout ça pour dire que j'ai pas personnellement, je suis comme, bon, cette année je vais au gym ou je mange mieux, tu sais, j'ai rien de tout ça. Donc, je veux juste comme gérer mes propres bobos au fur et à mesure qu'ils viennent. Et puis, c'est ça. Une faiblesse que j'ai par contre, c'est les vêtements. Faudrait que, tu sais, que je sois plus. Là, je m'achète plus de linge, que je sois un peu plus... Ma blonde serait contente aussi, mais j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ça va rester ça, j'en parle tout le temps, là, t'sais. Ça va tout le temps rester mon talon d'Achille, ça. Magasiner du linge, et puis updater sa garde-robe. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Ah, excusez, je bois du café, là. J'en ai besoin. Sinon, au niveau des entreprises, pour l'arcade, il n'y a absolument rien. C'est en dormance complète et totale. Alors, tout le monde est... Excusez, j'ajuste la caméra un peu. Tout le monde, les employés, ils prennent leur assurance chômage, là, j'imagine. Et puis, il n'y a rien à faire. Il est en hibernation, le bar. Donc, puis on est certainement pas prêt de réouvrir, à mon avis, avec tous ces cas-là, puis cette panique. Puis de toute façon, à quoi bon ouvrir avec une tempête de neige dégueulasse? Et puis tout le monde qui a la COVID, là, tu sais. Fait que ça donne rien, puis c'est bien correct. Donc, du moment qu'on a de l'aide financière, moi, ça me va, là, tu sais. On réussit, en étant ouvert, on réussit à regonfler le coussin pour pallier à quand on est fermé, tu sais. Et puis, il y a des subventions, puis il y a de l'aide, et puis le prêt du gouvernement là, de 60 000, mais que tu peux garder 20 000 si tu rembourses 40 000. Bon, ça, c'est fédéral, ça, et puis tu pouvais le prendre. Nous autres, on l'a pris, bien sûr, mais on n'a pas eu besoin de l'utiliser. Puis, on était supposé le remettre à la fin de cette année, décembre 2022, mais finalement, ça va être en décembre 2023. Fait que, good, on a encore ce très gros coussin-là qu'on grugera un peu si jamais on se rend jusque-là. Mais pour l'instant, on a de l'argent dans le compte de banque, fait que ça va, tu sais. Nous, on se fait aucun argent avec ça, nous les propriétaires, parce qu'on se verse pas de salaire, on se verse pas de dividendes pour garder tout l'argent pour le projet. Puis c'est ça qui est ça, fait que c'est vraiment juste de le garder en vie autant que possible. Quand il se réveille, tu le nourris un peu, il se retourne se coucher, c'est comme de coucher. Et puis c'est ça. Mais on s'était trouvé une gérante, et puis j'espère qu'elle va être encore là à la réouverture. Mon Dieu, on venait juste, tu sais, ça faisait une couple de semaines qu'on avait commencé avec elle, ça allait super bien, proactive et tout. Fait que j'espère qu'elle va vouloir revenir, parce que ça va vraiment nous aider à repartir. Puis le bar, ben s'il repart aussi, j'aimerais ça relancer plus de tournois. Alors, on a deux nouvelles machines que je vous ai toujours pas dit c'est quoi. Parce que je vous le dis pas, tant que ça arrivera pas. Et puis ils sont chez Eli, les machines, il est en train de travailler dessus d'ailleurs. Et puis c'est ça, fait que on va rentrer ces machines là, puis on va continuer de garder ça à jour, faire du ménage. Et puis j'aimerais relancer les tournois, qu'il y ait plus de tournois là, comme avant, au moins un vendredi sur deux. Eric, DJ Eric Hébert, il est de moins en moins disponible, je pense, et puis c'est correct aussi, je veux dire, ça fait 5 ans qu'il fait des tournois pour nous autres à toutes les fins de semaine et quelques, là, il a besoin d'un break, puis je le comprends. Fait qu'il faut former la relève un peu, puis ça roule tout seul. C'est un projet qu'on essayait de faire tranquillement, mais qu'on n'a pas vraiment abouti avant qu'on soit obligé de fermer, là, tu sais. Puis aussi, je travaille, puis c'est quelque chose que je voulais faire, ça, avec, sur un beau T-shirt pour l'arcade. Je trouve que la plupart des bars arcade ont tous leurs T-shirts très cool et badass, là, tu sais. Le House of Targ, le North Star, il y a le Pinball à Montréal. Ils ont un beau T-shirt cool, tu sais. Fait que on m'a référé un artiste qui fait des affaires au style de très skate, là, très metal, punk, skate, si je peux dire. Un peu trash, mais propre, mais funny, tu sais. Puis moi je suis designer graphique, tu sais, mais je suis pas illustrateur, tu sais. Je suis pas bon en dessin. Fait que je peux pas faire ça, tu sais. Je peux mettre mon logo sur un T-shirt, je peux faire des petites choses comme j'ai fait présentement, venir jusqu'à la date avec la merch de l'arcade, mais je peux pas faire des dessins puis rendre ça cool, tu sais. Fait que je voulais un T-shirt cool, moi, pour l'arcade, tu sais. De quoi qui fait référence au bar, tu sais. Je veux une pinte de bière Mario Bros, des cabinets d'arcade avec du feu. Je veux un Johnny Cage, là, qui fait la split avec le coup de poing d'un gosse. Je veux un card de Mario Kart parce qu'on a des tournois de Mario Kart beaucoup. Je veux la main de Smash, la méchante main, le boss de fin à quelque part. Je veux des Pac-Man, des blocs de Tetris qui tombent, Donkey Kong. Puis je veux que ça soit écrit Montréal, Canada, tu sais, Québec. Drapeau du Québec, drapeau du Canada, peut-être. Parce que oui, je suis fier du Québec, mais aussi, on a des gens qui viennent de partout nous voir. Et puis, moi, je trouve que c'est bien de mettre qu'on est aussi un bar canadien. Et puis, c'est ça. Quand les Français, les Européens et puis les Américains ils viennent, tu sais, ça reach. Parce que toutes les. C'est ça, tout. Il y a des bars arcade dans toutes les grosses villes nord-américaines. Et c'est ça. Moi, je veux qu'on soit sur la map, puis qu'on soit un bar autant à la grandeur du pays canadien, mais aussi québécois. T'sais. Mais c'est important pour moi qu'on soit au même level que les plus cool bars arcade de Vancouver ou de Edmonton. T'sais. Fait que Canada pour ça. Je suis souverainiste en passant, hein? Nationaliste. Fait que c'est pas une affaire de fuck Canada, de. Donc, c'était important pour moi de mettre mon bar sur la map de même. Fait que j'avais commencé, j'avais trouvé l'illustrateur, et puis moi, j'avais commencé à faire une mise en forme. Tu sais, j'ai mis un cabinet, un à gauche, un à droite, Johnny Cage en bas, une pinte de bière. Ah, je lui ai aussi dit notre cocktail, le Final Fantasy, servi sur une épée, 6 shooters sur une épée, tu sais. Si tu peux, je voulais intégrer ça. Tout ce qui nous ressemble, tu sais, tout ce qu'il y a dans le bar qui est cool. Fait que c'est ça, pour montrer notre personnalité, puis ce qu'on a d'unique, tu sais. Mais puis là, tu sais, je mets l'épée d'un bord, mets des blocs, genre d'explosion, tu sais, mais c'est pas beau, là. Mais l'illustrateur me dit, mets-moi des choses en place, puis envoie-moi ça, puis je vais travailler là-dessus. Fait que j'avais mis des choses en place, mais premier pitch que j'ai fait, j'aimais pas ça. Là, j'ai mis ça sur pause un peu, j'étais occupé ici, chez RetroMTR. Puis là, j'en ai retravaillé un autre, je pense que c'était un peu mieux. Et puis, c'est Mais tu sais, c'était pas à mon goût, fait que j'osais pas lui envoyer encore. Fait que là, ça dormait pendant des semaines, tu sais, parce que je trouvais pas que j'avais réussi à pousser encore assez bien, tu sais. Puis là, je l'ai poké. Ben, il m'a poké, en fait. Il a dit, hey, what's up avec ce projet-là, tu sais, tu m'es pas revenu. Puis, tu sais, il me fait vraiment une faveur, là. Il me fait un très bon prix. Parce qu'il aime, il trouve ça cool le projet puis tout ça, mais tu sais, lui, il est super busy tout le temps, tu sais, fait que c'est, moi, je veux pas le déranger, tu sais, puis je veux pas le forcer à rien. Puis c'est, hey, what's up, tu sais, puis là, j'ai dit, check, je suis bloqué, man, je peux-tu t'envoyer mes deux maquettes, tu sais, puis des éléments, puis une liste des affaires que j'aimerais travailler avec ça. Il dit, ben ouais, pas de stress, envoie-moi ça. Puis ça, là, ça m'a comme, soulagé. Parce que moi, j'aime pas ça quand j'ai un dossier qui jamme, puis que je sais pas comment le déjammer ou que je manque de temps pour le déjammer ou d'inspiration, tu sais, puis j'y arrive pas. Puis lui, il dit, hey, donne-moi ton dossier, m'en occupe. Ça là, c'est le plus beau. C'est le plus beau feeling ever. Puis depuis que Martine travaille ici, en passant, ça arrive ça à tous les jours. Alors moi, ça me libère, ça me donne bonne conscience. Après ça, je suis comme, ça c'est handled professionnellement et proprement. Je peux libérer ma tête de cette affaire-là, tu sais. Donc, c'est ça qui arrive avec l'illustrateur. Donc, tout est dans son camp. Il a dit qu'il allait me revenir avec quelque chose. Il allait commencer à travailler là-dessus à la mi-janvier, ce qui est présentement, le 17 janvier. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Puis quand le T-shirt va être prêt, je vais en faire printer une batch. Et puis, ça va être disponible à l'arcade, bien sûr. Puis, je vais en mettre aussi sur la boutique Retro MTL, comme j'avais fait dans le temps, pour en vendre un peu en ligne. Je vais peut-être aussi réactiver les trucs et les casquettes, là, tu sais. Fait que quand j'avais mis tout le stock de l'arcade à vendre sur la page, voyons, excusez, là. Sur le site web de Retro MTL, on a vendu toutes les hoodies, une casquette, 2-3 t-shirts, mais on n'a pas vendu tant que ça, tu sais. Mais c'est pour ça que. Puis le stock est au bar, puis le monde y achète au bar habituellement. Puis là, moi, je peux pas me promener aux deux places, tu sais. Fait qu'il faut que j'en garde un peu ici, un peu là-bas, mais il y avait des. Tu sais, il restait juste des formats weird, là, des double XL, du design le moins populaire. Fait que c'est sûr qu'il ne vendra pas. Fait que. T'sais, en tout cas, c'est un peu n'importe quoi. Mais pour ce nouveau t-shirt-là, il va en avoir là-bas et ici. Puis je vais réactiver là, les trucs, les casquettes, sûrement pour essayer d'en vendre un peu. Fait que si vous en voulez, vous pourrez l'acheter sur le site de Retro MTL lorsque ça sera le temps. Sinon, pour Retro MTL, il y a. Ça va super bien. On regarde, on est tout le temps en croissance, année après année. Là, on regarde les courbes, tu sais, de l'année passée versus l'année d'avant et versus ce qui se passe présentement. La compagnie est toujours en croissance. Les ventes sont à la hausse, tout est à la hausse tout le temps. Donc ça, c'est super comme inspirant et agréable, et ça nous donne le goût de travailler puis de développer. Puis depuis que Martine est là, on corrige des affaires, on corrige. On passe genre 90% de notre temps à comme à faire des ajustements, tu sais. Puis à. Tu sais, là, on travaille après le char, tu sais. Le char, il roulait, tu sais. On partait avec le char, on avançait avec le char. Là, on a parqué le char. Mais on répare plein de petites affaires, on change des trucs, on change des pièces. Puis quand on va repartir, le char va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Puis on passe 90% de notre temps à bisouner présentement. Je veux dire, nous, les employés travaillent, puis les ventes continuent, tout ça c'est correct. Mais nous autres, on voudrait penser au développement de l'entreprise. Puis on y pense à moyen terme, disons. Mais avant ça, à court terme, il y a plein de petites affaires à continuer d'ajuster. Là, c'est la fin de notre année fiscale, donc c'est à voir aussi, on attend les chiffres de notre comptable là-dessus. Et puis, c'était le quatrième, c'est le rapport de taxes aussi en même temps. Fait qu'il manquait une couple de chiffres pour tout ça, mais là, la comptable a tout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner les impôts cette année. Ça va être pas mal plus drette là, que les autres années. Ben, je veux dire, c'est toujours drette, mais on a, tu sais, l'inventaire, ça va être plus précis, là, tu sais. Puis ça, c'est important, parce qu'après ça, quand tu veux emprunter de l'argent pour faire un move quelconque, si tu as besoin de le faire, ben quand tes chiffres sont bons, ben ça se fait, tu sais. Tu as besoin d'emprunter 100 000 $, la banque, d'accord, tu sais, ou 1 000 000, je sais pas, on verra bien. Mais c'est ça, donc là on tweak beaucoup de petites choses, puis des améliorations sur le site web, et puis des idées, puis on vend beaucoup sur eBay aussi, on retire des affaires de notre magasin. On a deux inventaires, un boutique et magasin qui est le même, un boutique en ligne et magasin, ça c'est le même inventaire, puis on a un inventaire eBay dans lequel on passe là, des affaires qui sont dures à vendre localement, mettons, mais qui finissent par partir quand même assez bien dans le monde entier. Donc ça va bien, ça nous libère bien des affaires ici au QG. D'ailleurs, c'est notre prochain dossier. On a deux dossiers là. Là, il fallait qu'on fasse l'inventaire. Le gouvernement nous a forcé à fermer 3 dimanches. Ça, c'est de la crise de marde. Les employés, ils perdent leurs heures dans un bon bain. Les employés ont moins d'argent. Nous autres, on perd des ventes. Qui c'est que ça aide, ça, tu sais? Qu'est-ce que ça donne, là? Ça donne peut-être un break, j'imagine, aux gens qui travaillent... travaille au Canadian Tire, je sais pas, même à ça c'est ouvert, j'en ai aucune idée, je sais pas qui que ça aide ça, de forcer les commerces à perdre des ventes, mais en tout cas, moi je trouve ça complètement cap. C'était des journées où est-ce qu'on a fait, tu sais, les ventes en ligne se maintiennent, mais les ventes en magasin étaient bien sûr zéro, alors on perd des ventes, tu sais, pas que ça nous met dans la marde là, mais tu sais, pourquoi perdre des ventes, tu sais, c'est niaiseux là. Fait que ça, je trouvais que c'est de la crise de marde, puis Dieu merci, ça c'est fini aussi. Cependant, on a utilisé ces 3 journées fermées-là pour refaire notre inventaire complet. On a même débordé un lundi, comme vous avez vu, on a été fermé un lundi de plus parce que finalement, c'était très demandant. Fait qu'on a passé notre inventaire au peigne fin au complet. Martine a imprimé toutes les feuilles de toutes par console. Fait que chaque jeu a été regardé et noté si oui ou non on l'a. Puis où, fait que ça nous a fait sortir plein d'erreurs, plein de trucs, tu sais, avec le temps, puis un inventaire qui grossit continuellement et puis qui bouge beaucoup, puis des employés qui vont et viennent, les nouveaux employés, tu sais, ils sont pas habitués, ils peuvent se tromper, ils shippent un jeu de PS2 sans livret alors qu'il a fallu qu'ils shippent celui avec livret, tu sais, des affaires de même, ou ils shippent une PS2 fat, mais avec les câbles d'une PS2 slim, tu sais, c'est des affaires qui peuvent arriver, donc... On a fait le gros ménage là-dedans, puis ça s'est terminé hier, dimanche, avec le PS3 et le PS4. Et puis là, c'est fait. Tout l'inventaire a été passé au peigne fin, toutes les erreurs ont été ajustées. Et puis, toutes ces données-là ont été envoyées à la comptabilité aussi pour l'inventaire. Fait que bref, là, on est à jour là-dedans. C'était un gros, gros dossier. C'est fait. Donc, c'est réglé. Prochain gros dossier, puis on est déjà dessus, c'est de relancer le service de réparation avec Carl, qui ronge son frein. Ouais, il y a tout le temps de quoi faire ici, de toute façon, mais on veut le relancer, le service. Là, on s'était dit qu'on allait fermer pour un mois, et puis finalement, on a fermé là, de septembre jusqu'à présentement, janvier. T'sais, fait que, on voulait tout revoir la procédure, et elle sera revue au complet. Elle va être beaucoup plus simple pour vous, et pour nous, et pour Carl. Et puis, c'est ça, tu sais. Oui, ça marchait avant, mais on avait de la misère, nous autres, à calculer la rentabilité de ça. Parce qu'il y avait trop d'humains qui interagissaient, tu sais, dans le processus. Et puis, faut bâtir des paramètres, puis que ça soit sain. Et puis, c'est ça. Donc là, on redresse ça, puis on veut relancer ça peut-être même la semaine prochaine. Quand je raccroche, là, tantôt, je vais continuer de travailler là-dessus. Donc, ça, je suis bien excité, là, tu sais, parce que c'était pas à mon goût. Tu sais, on voulait le faire, on l'a lancé, ce service-là. C'est comme les précommandes aussi. Joe, il travaille là-dessus présentement. On fait des précommandes chez nous, puis c'est bien correct. Mais à l'interne, de la façon qu'on manage, c'est pas optimal encore. Faut trouver. Puis notre système permet pas de. A pas des options, tu sais. Il n'y a pas assez d'options pour être capable de gérer ça facilement. Fait qu'il faut comme naviguer au travers de ça, puis se bâtir une façon de faire qui marche bien. Et puis il faut que les nouveaux employés soient à l'aise avec ça aussi et capables de le faire quand nous autres, on n'est pas là, tu sais. Fait que c'est ça. C'est quand tu as une plus grosse entreprise, puis des 15 employés, ben. Le défi, tu sais, s'il y avait juste nous autres qui travaillaient, ce serait bien simple. Là. Mais nous autres, c'est plus gros, tu sais. Alors, faut former les gens, tu sais. Il faut que ça roule tout seul. C'est ça le but, là, tu sais. Le but, c'est que nous autres, on n'ait plus besoin de faire la poutine. Puis il faut que la poutine elle soit gérée par les employés efficacement, sans erreur le plus possible. Donc il faut bâtir des paramètres, puis il faut bâtir des systèmes. T'sais. Fait que c'est ça notre travail de tous les jours ici, c'est d'améliorer tous les systèmes et les façons de faire. Donc, ça s'en vient, Carl, c'est un beau dossier, ça, je suis bien content. Et le troisième dossier, gros dossier qu'on veut faire rapidement en début d'année, c'est le QG, le quartier général ici, qui déborde de stock partout. Là, ça fait longtemps qu'on a perdu le contrôle ici, ben pas complètement perdu le contrôle. On sait où sont les affaires, mais c'est pas optimal, tu sais. Des petits exemples comme les gens nous rapportent des jeux DS lousses, juste la carte. Ben nous autres ici, on a trois boîtes pleines de jeux DS, mais juste les boîtiers, tu sais. Fait que faut regarder, à chaque fois qu'il y a un jeu DS ou 3DS, ou Wii qui rentre, qu'il n'y a pas de boîtier, il faut aller fouiller dans nos boîtiers, tu sais, pour voir si on peut le boxer. Mais nos boîtiers sont à une place, les jeux arrivent à l'autre place, tu sais. Même affaire de le Genesis, on a plein de sleeves, puis de boîtiers de Genesis, puis de livrets de Genesis, fait qu'à tous les jeux. Fait qu'à chaque fois que les employés ils nettoient des jeux puis qu'il manque un livret, ils devraient aller voir si on a le livret, tu sais. Mais ils ont pas le réflexe de le faire parce que les livrets puis les boîtiers sont pas aux bonnes places. C'est trop compliqué pour eux autres, puis ils font juste comme les passer les uns après les autres. Fait que tu sais, il faut ramener tous ces boîtiers vides là dans leur face. Il faut que tous les câbles, tous les gogos là, tu sais. Les foams de NES qu'on met dans le fond des boîtes NES, tu sais, qu'ils soient à portée de main. Il faut que le traitement de l'inventaire se fasse plus efficacement ici. Il faut que ça soit bulletproof. Et puis, il faut que ça soit mieux rangé puis mieux organisé. Parce qu'on l'a mis d'une certaine façon, mais là, c'est pas bien. C'est pas comme ça. Déjà qu'on a tout rechangé la station test. Avant, on avait genre 4 télés de branchées, mais finalement, on n'utilisait rien qu'une, tu sais, fait qu'on a tout enlevé ces télés-là. Là, on a une télé avec plusieurs consoles en avant, mais ça aussi, tu sais, le monde, ils vont tester des consoles, là, avant de les emballer puis les mettre prêtes à mettre en inventaire, mais ils traînent des câbles, des manettes, on sait plus qu'est-ce qui est quoi, tu sais, c'est pas évident, tu sais. Donc ça, c'est le prochain gros dossier, ça va être une job de bras, et puis ça m'excite beaucoup. Mais faire une remise à jour ici de tout le QG, là, ça va vraiment faire du bien, là, tu sais, parce que là, ça fait pas de sens, là. Puis toutes ces petites affaires-là, tu sais, ça, je pensais que ça fait pas de différence vraiment au niveau du portefeuille, mais ça en fait. Parce que mieux vendre, mieux gérer, tu sauves des erreurs, donc tu sauves du temps puis des coûts à ce niveau-là. Tu réussis à faire process des jeux plus vite parce que c'est plus simple pour les gens qui les nettoient. Ben, ils en rendent plus, fait qu'ils sont capables d'aller d'en avoir plus en magasin, tu sais. Et puis, chaque fois qu'on sauve du temps, c'est du temps gagné pour réinvestir sur autre chose, pour améliorer un autre système, tu sais. Fait que toutes ces petites affaires-là font qu'on met plus de stock en inventaire, on le vend mieux, on fait moins d'erreurs. Et puis, c'est plus clair ici, tout le monde est plus heureux au travail, tu sais, parce que c'est pas un casse-tête, fait qu'ils sont plus productifs. Donc, c'est bien important tout ça. Puis d'autres détails, comme là, on a finalement engagé une compagnie de ménage pour faire le ménage au QG et au magasin, parce que c'est nous autres qui le fait. C'est nous autres qu'on le fait quand ça nous tente de le faire, mais ça tente jamais à personne, bien sûr, tu sais. Puis ça fait beaucoup de ménage, puis Chris, les toilettes, là, faut laver ça, tout ça. Laver guenille, là, tu sais, ça c'est notre problème, ça, laver guenille. Un moment donné, il faut que quelqu'un les amène toutes chez lui, qui les lave, puis qui les ramène, les guenilles, puis les linges à vaisselle, puis tout ça. On a même considéré s'installer une laveuse sécheuse ici au QG pour gérer ça. Je pense qu'on devrait le faire. Mais juste d'engager une compagnie de ménage, une semaine à faire le ménage au magasin, une semaine QG, une semaine magasin QG, comme ça. Fait que là, c'est propre. Ça a l'air de rien. C'est un investissement. Ça nous coûte 100$ par semaine faire ça. Puis, mais les employés, quand ils arrivent, et nous-mêmes, quand on arrive dans un lieu de travail propre, on est plus heureux, on est plus productif, on a plus envie de travailler que t'arrives, puis c'est sale dans les toilettes, puis tout ça, tu sais. C'est bien important, tout ça. Fait que on travaille là-dessus. Puis, on verra. Donc, on a bien des affaires à ajuster. Tout ça va se rendre jusqu'au printemps, à mon avis. Puis après ça, on verra. Là, le magasin, tu sais, il est bien rodé. Là, on a réajusté des affaires puis tout, tu sais, puis il va bien. Fait que après ça, on va pouvoir commencer à penser à plus gros. C'est ça, ça m'excite, ça. C'est des affaires qui m'excitent beaucoup. Puis j'étais déjà dans cet état d'esprit-là avant que Martine arrive. Mais quand Martine est arrivée, on s'est dit, on va la laisser arriver, puis on va travailler avec elle. On va mettre ces gros projets-là sur pause. On va réajuster tout ça. Et puis, on va plus vendre, avoir un meilleur cash flow. Puis on rachète beaucoup aussi de stock tout le temps. Fait que aussi, il faut prendre un break de certaines choses et voir comment on achète. Est-ce qu'on achète bien? Est-ce qu'on paye trop cher? Est-ce qu'on paye pas assez cher? Est-ce qu'il faudrait cesser d'acheter certaines choses? Parce qu'à un moment donné, ça donne rien de racheter encore du PS3, de le crisser sur le dessus de la pile, puis on va le traiter l'année prochaine. T'sais, ça donne rien. Même si on nous le donne, ça fait juste prendre plus de place ici, puis causer de l'anxiété, puis de la gestion. Fait que ça nous donne pas grand-chose non plus. Puis on en a en tabarnak du PS3, du PS4. Donc, tu sais, c'est ça, ça donne rien, tu sais. Ou est-ce qu'on vend, tu sais, est-ce qu'on devient grossiste, est-ce qu'on vend, tu sais, à d'autres magasins? Je sais pas, c'est à réfléchir. Mais on verra. Mais tout ça est bien excitant. Moi, ça m'allume bien gros. Ah oui! Update poubelle, mesdames et messieurs! Là, je suis très déçu, encore une fois. Ça va trop bien dans le monde des poubelles et des vidanges rétro-NTL. Et même à la maison, comme les poubelles sont ramassées, on n'a pas de mauvaise surprise. On a eu des restants d'itinérants dans notre petit espace où est-ce qu'il y avait notre ancienne poubelle que j'ai découpée. Il y avait comme un sac de biscuits, une couverte, là, puis des cossins. J'ai laissé ça là. Je me dis... Il va peut-être revenir, tu sais, il a oublié ses trucs, ou peut-être qu'il y en a un autre qui va ramasser ça, puis ça va être son trésor, tu sais, j'en ai aucune idée. Mais c'est resté là une semaine et demie, puis c'est disparu. C'est pas mes employés qui l'ont ramassé, puis je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un voisin qui nous aurait fait une fleur de ramasser ça. Fait que je pense que la personne est venue rechercher ses affaires. Mais c'est au magasin. Au QG, tout est beau côté vidange, désolé pour vous, mais il est arrivé une affaire drôle. Sur le rebord de la fenêtre au magasin, la semaine passée, ou je sais pas quoi, il y avait un dildo, tu sais, un pénis en caoutchouc, debout, comme, tu sais, qui tiennent debout, là, noir. Là, je vais vous mettre la photo, comme ça, vous allez voir, c'est vrai, c'était vraiment sur le bord de la fenêtre. Donc, quelqu'un a mis un dildo sur le bord de notre fenêtre. C'est ça qui arrive dans Schlaga, on dirait, il y a des affaires qui se passent. Quoique j'ai pas de commerce dans d'autres quartiers, tu sais, je sais pas, peut-être ça arrive à Pointe-Saint-Charles aussi, peut-être qu'il y a plus de dildos sur le bord des fenêtres à Pointe-Saint-Charles, j'en ai aucune idée. Mais ça, c'est une première qu'on a vécue, là, un dildo sur le bord de la fenêtre. Alors, ça fait de quoi à raconter aux enfants? Ha, j'ai pas fait ça. Mais... Fait qu'on a mis ça dans la poubelle, bien sûr, et puis, je pense, il était pas sale, tu sais, il y avait rien dessus. Donc, inutilisé peut-être. Mais c'était là. Fait que c'est une belle pensée. Sinon, quoi d'autre? Ça fait pas mal le tour pour Retro MTL. Sinon, moi personnellement, niveau gaming, première chose, je suis en attente de mon analogue Pocket. Elle devrait être livrée aujourd'hui ou demain. Ça va. Cette semaine, j'ai deux grosses affaires qui rentrent. Mon analogue Pocket. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. En passant, tout ce que je reçois ou mes acquisitions, ou les choses que j'essaye, je rappelle que c'est sur ma page Facebook de Papa Cassette, donc je publie ça là. Puis quand je publie sur Facebook, ça se shoot en même temps sur Instagram, si vous êtes plus du monde Instagram. Donc, Analog Pocket, vous êtes plusieurs à l'avoir reçu, tout le monde est unanime, c'est une machine incroyable, vraiment le fun et tout et tout. Alors, j'ai vraiment hâte d'avoir ça. C'est aujourd'hui ou demain, donc ouais, je vais tester ça lorsque je vais trouver du temps pour brancher ça. Je pense que je vais le brancher en haut. En bas, mon plus vieux, il prend trop la place, tu sais, fait que je pourrais pas y jouer assez. Enfin, je veux docker dans la télé, je veux voir le feeling de ça docker. Alors, je vais brancher ça en haut et puis je vais me lancer dans une petite cassette. J'aime bien ça, moi, essayer des petites cassettes, des petits jeux de Game Boy Color que je travaille tranquillement. C'est quoi le jeu de Game Boy Color? Voyons. Le jeu de Ninja là, de Natsumi qui vaut cher, là, que les Limited Run ont refait un truc. Là, Return of the Ninja, excusez-moi. je commençais à jouer à ça, hein. C'est pas bon. C'est très décevant. Je m'attendais à ce que ça soit Shadow of the Ninja ou NES, mais au Game Boy Color, tu sais, c'est la même compagnie, Ninja, Return of the Ninja, Shadow of the Ninja. Mais non, c'est brun en hostie. Puis il faut que tu trouves des items, puis les niveaux sont un peu labyrinthes, tu sais. Ah, ça me plaît pas. Mais je joue sur ma Game Boy Advance SP, comme très petit écran. Mais j'ai hâte de voir l'écran de la pocket, qu'est-ce que ça donne. Puis j'ai hâte de voir dans la télé, genre, le feel de ça, tu sais. Je vais me brancher une manette Super NES, là. Ah, j'ai-tu? Hey, je vais-tu avoir une manette? Ouais, ma mère. Ben oui, ma mère. Non, pas mes... Ah, ben je vais voir. Pour ma manette Bluetooth Super NES, j'ai l'adapteur pour brancher dans une Super NES. Mais je peux-tu juste comme linker? Non, je pense pas que je peux. Colin. Ah, je verrai. J'ai des manettes. Je prendrai une manette PS4, sinon j'ai ça. Ouais. On verra bien. Je manque pas de manette. Et puis, je vais essayer ça. Donc, bien hâte. Et puis, sinon, j'ai un gros jeu Atari 2600, mesdames et messieurs, qui arrive. J'ai beaucoup slacké l'Atari 2600 avant. J'essayais de ramasser tous les jeux par série de label, tu sais. Parce que Atari, tu sais, il y a des jeux faits Atari, il y a des jeux faits par Activision, il y a des jeux faits par Parker Brothers, il y a des jeux faits par Zellers, il y a des jeux, il y a 1000 compagnies qui ont fait des jeux Atari 2600. D'ailleurs, c'est ça qui a causé le crash, entre autres, c'est pas juste le jeu E.T. Et puis, j'ai tout abandonné, toutes ces petites séries-là. Mais la série Silver Label Atari, les boîtes en argent, ça, j'aimerais avoir tout ça complet en boîte. Mais il y a des jeux que, genre, qui sont très difficiles. Tu sais, Astérix puis Obélix. Puis je veux des versions nord-américaines. Là. Astérix et Obélix, nord-américain, complet en boîte. Man, ça m'a tout pris de trouver les cartes. Fait que complet en boîte, je suis pas sûr que je vais réussir à trouver ça un jour. Quadron, qui est un jeu qui vaut 400$, tu sais, qui était un jeu qu'on commandait par la poste. Je pense pas réussir à trouver ça non plus. Gravitar, je l'ai, Dieu merci. Sinon, il me reste Sword Quest Waterworld. Vous connaissez peut-être les jeux Sword Quest. Si vous connaissez pas ça, allez voir une vidéo du Angry Video Game Nerd sur la série Sword Quest sur Atari 2600. Il y a eu Earthworld, Fireworld, après Waterworld, puis il était supposé faire Airworld, donc les quatre éléments. Puis Atari se sont essoufflés à Waterworld, puis la compagnie a crashé. Mais Waterworld est comme vraiment pas commun. Puis j'en vois passer quand même sur Facebook des fois complet en boîte, mais j'ai pas réussi à l'acheter encore. Mais je pense que celui-là, c'est le plus facile qui me reste. Mais il y en avait un pas facile, puis c'est ça que j'ai réussi à avoir, c'est Crazy Climber, ou Climber, le grimpeur fou, sur Atari 2600, qui est, encore une fois, un mail order, donc c'était pas sur les tablettes, fallait le commander, puis c'est ces jeux-là qui sont fucking durs à avoir. Puis là, j'ai acheté ça sur Atari Age Marketplace à quelqu'un, qui vendait ça 550 US, puis qui m'incluait le shipping. Donc ça, c'était gentil. Fait qu'en converti, ça revient à 600 quelques, là, tu sais. Donc, c'est cher, 600$ pour un jeu Atari, ben certainement. Mais j'ai déjà la cassette. Alors, je vais avoir une cassette à vendre qui, d'après moi, devrait me ramener un 200$. Fait que ça va amenuire le coût de ça. Mais, tu sais, c'est un gros achat, mais puis, tu sais, on s'en crisse de jeu-là, mais ben, c'est pas si pire, hein. Mais, anyway, si je veux jouer, je joue sur une flashcard. Mais ça, c'est un achat qui me fait très plaisir parce que la série Silver Label d'Atari, c'est sûr que moi, je ne vendrai jamais ça. Puis si un jour, c'est tout complet, je vais être super heureux. Et puis, c'est quelque chose que je garde. Mais des fois, tu sais, je pense à ma collection puis à des affaires que je voudrais vendre. Genre, tout mon 3DS, tout mon Wii, je joue tellement jamais. Je devrais tout vendre ça. Mais il y a des petites affaires là, dans ces collections-là qui me font retenir, tu sais. Mais mettons, les Silver Label Atari 2100, je me dis, ça, jamais je vends ça, tu sais. C'est sûr et certain. Ça va tout le temps faire partie du core de ma collection. Donc, c'est ça. Moi, ma collection, c'est comme full set NES, full set Super NES, full set Game Boy, Switch. Tous les jeux que j'aime qui sont cool, whatever, ça c'est une collection neuve que je travaille dessus continuellement. Et puis le beau stuff Atari 2600. Même à la télévision, j'ai comme envie de vendre mon quasi full set que je finirai jamais, je pense. J'ai envie de garder là-dedans genre 5-6 jeux qui sont nice ou qui sont durs à trouver, ou j'aime la pochette ou j'aime le jeu, tu sais, comme Thunder Castle, Thin Ice, Stadium Mud Buggies, Diners, affaires là, Masters of the E-Man peut-être, mais en même temps c'est super commun, donc une couple de gros jeux de même. Même affaire pour Atari 2600, tu sais, outre les Silver Label puis les Activision, tu sais, il y a une couple d'autres séries que je garde, mais peut-être d'autres je laisserai aller, tu sais. Mais très, très pointu, là, tu sais. Coleco, j'ai tout laissé ça aller, j'ai plus rien de Coleco. J'utilise une flashcard maintenant. Donc j'y pense, mais bref, j'ai vraiment hâte d'avoir mon Crazy Climber par la poste. Ça va être vraiment beau là, sur la tablette, ça c'est un achat. Puis j'achète vraiment peu de jeux présentement, je suis en mode économie tout le temps parce que j'ai pas les revenus du bord, puis parce que la vie coûte cher présentement, tout pète à la maison, puis l'école, puis les enfants. Fait que présentement la vie coûte cher. Puis on veut encore ajuster des affaires à la maison, acheter du rangement, je sais pas quoi, fait que beaucoup de dépenses. Donc j'ai vraiment slacké sur les jeux vidéo, beaucoup, beaucoup là, comparé à avant. Ben aussi parce que j'ai beaucoup de ce que je veux, mais ce que je veux et que j'ai pas, je le chasse pas tant non plus parce que maintenant j'ai un magasin et des fois ça m'arrive de l'avoir. Mais fait que je me tiens bien tranquille là-dessus. On est tout le temps chanceux des affaires qui pop ici. Mais des affaires comme Crazy Climber, complet en boîte, ça arrivera jamais ici ou à moins d'une lock incroyable. Alors quand je vois ça passer, je jump sur le gun. Ah, je vais finir avec deux jeux que j'ai joués dans le temps des fêtes. J'ai joué à Alwa's Awakening. Donc, je vous parlais de la série Alwa's. C'est Alwa's Awakening et Alwa's Legacy. Deux jeux qui sont sur la même copie physique qu'on a reçu chez Retro MTL avant les fêtes. Et puis, Alwa's Awakening, c'est comme un jeu NES d'exploration. C'est pas à la Zelda, là, mais ben, un peu, mais c'est 2D, tu sais, tu sautes et puis tu donnes des coups puis tu fais de la petite magie, c'est très léger, là, tu sais, mais c'est une grande, puis c'est un Metroidvania, bien sûr, donc c'est une grande exploration d'un univers qui est pas si grand que ça, finalement, c'est ça, moi j'avais commencé par Alwa's Legacy, qui semble être à peu près le même jeu, mais en... pas en 8 bits, mais qui serait plus 16 bits, mais pas tout à fait 16 bits, je sais pas comment le dire exactement, mais graphiquement plus haut, là, tu sais. Plus de bits dans le visuel. Mais quand je me suis rendu compte que je jouais à la suite en premier, j'ai arrêté ça, puis j'étais allé faire Alwa's Awakening à la place, puis c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer depuis longtemps. Bruno, on avait l'avait encensé à Rétro Nouveau. Et puis, c'est ça. Donc, j'étais vraiment content que cette compilation-là existe en copie physique. Puis, j'ai joué. Puis, j'ai aimé ça. Mais, j'ai été moins emballé que je pensais que j'allais l'être, pour être franc. C'est un jeu qui est quand même très lent. Alwa's marche pas vite. Elle ne marche pas vite, une fille, ça. Et puis, traverser un niveau, c'est quand même long, là, tu sais. Et puis, elle saute. Et puis, tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'est un jeu... un peu lent, puis souvent, tu sais, tu vas aller refaire les niveaux, tu veux retourner ailleurs, puis, man, retraverser la map au complet, c'est un projet, là, tu sais, puis je l'ai fait. Puis il y a des affaires qui sont compliquées aussi, beaucoup de murs invisibles avec des affaires cachées, puis j'ai essayé de le faire à 100%, puis tout ramasser, puis j'ai regardé sur Internet pour un truc, deux trucs, et puis je vois pas vraiment... Ben, il y en a un des deux que j'aurais peut-être pu finir par trouver, parce qu'il y a un petit bonhomme qui dit « Regarde pas la lumière! » Puis là, c'est comme, il y a une lumière à quelque part, qu'il faut que tu ailles devant et que tu équipes un item et que tu regardes la lumière pendant 10 secondes. Tu sais, très Castlevania 2 au NES, là. Mets-toi à genoux avec un cristal bleu sur le bord de l'eau. Puis là, il y a l'eau à descendre, tu sais, comme, fuck you, là. Comment tu veux que... J'ai pas la patience, là, de chercher pendant une semaine puis finalement allumer ça, tu sais, d'avoir le coup de génie de penser à ça. Mais ça, j'aurais peut-être pu. Mais sinon, il y a une autre place qu'il fallait, en tout cas, que... Il y a une switch invisible dans une pièce précise. Man, il faut que tu mettes un bloc dessus. Impossible, t'sais. Impossible. J'aurais jamais trouvé ça. Fait que non, ça, c'est, j'aime pas ça quand les jeux font ça. Ils sont trop... qui te mettent des affaires trop difficiles à trouver. T'sais, j'aime ça quand on est capable de le trouver avec son jugement. T'sais, ou c'est peut-être moi qui veux aller trop vite, mais j'ai pris le temps, pour vrai. Là. J'étais au boss de fin. Puis j'ai arrêté là, puis je suis retourné faire la map une couple de fois. Puis oui, j'ai ramassé beaucoup plus de choses. Beaucoup, il y a des cristals bleus à ramasser, j'en ai ramassé plein. Puis j'ai eu du plaisir à le faire. Puis j'en ai trouvé des passages secrets de par moi-même. Je suis comme, oh yeah, man, c'est là. Puis c'est faisable. Mais il y a une couple de petites affaires, c'est, j'y aurais jamais pensé. T'sais. Fait que ça, je trouve ça un peu fâchant. Ça me déçoit, tu sais. Là, si je voulais le compléter à 100%, c'est clair que j'ai besoin de regarder sur Internet, sur YouTube, un walkthrough. Mais je considérais là, qu'à genre 98%, c'était suffisant. Puis ça change rien pour la fin non plus. Alors, j'étais allé battre le boss et puis ça a été ça. Le boss, il y avait une faiblesse aussi que j'aurais eu de la misère à discerner par moi-même. Donc, soit que tu le bats là, péniblement et longtemps, ou que tu trouves cette faiblesse-là et tu y rentres dedans. Fait que j'ai vu sur Internet cette faiblesse-là, alors je l'ai faite. Mais tu sais, encore une fois, ça je trouve que c'est un peu moins triché, tu sais. Le boss, il faut que tu le tues, mais il faut que tu le tues avec quelle arme, quelle façon de genre voir. Étudier le pattern d'un boss sur Internet, je trouve ça moins triché que de chercher les passages secrets et être accompagné d'un walkthrough. Là, parce qu'il faut quand même que tu le tues le boss, puis que tu sautes quand il t'attaque, puis que tu maîtrises la situation. T'sais. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est un bon jeu. Là. C'est un bon jeu, mais je m'attendais à être flabbergasté. Puis ce fut pas le cas. Mais c'est une couple d'heures. Là. C'est combien d'heures? J'ai vraiment beaucoup joué. J'avais tellement rien à crisser en temps des fêtes. J'ai comme commencé et batté ce jeu-là. J'ai joué que à ça quand j'avais des trous. Ma blonde faisait du casse-tête, tu sais. Fait que moi, je jouais à ça, puis je l'ai vraiment clenché. Et puis, c'est rare que je pogne un nouveau jeu et que je le clenche demain. Fait que c'est ça. Puis, je vais en faire Alois Legacy bientôt. Mais c'était intéressant. Donc, regardez, si ça vous intéresse, ce style de jeu-là, ça vaut la peine quand même. Je pense plus qu'il nous reste des copies physiques de ça. C'est parti très vite. Puis, je considère que c'est un bel item à avoir dans sa collection. Fait que autre jeu que j'ai joué, que je joue présentement, que je viens de finir, Blaster Master Zero 3. J'ai eu la copie physique, je ne voulais pas la déballer parce que j'ai le petit slip cover avec mes trois jeux sealed dedans. Et puis Fred, mon collègue Fred et ami Fred Gemus m'a donné des points, des dollars gratuits là, sur le store Nintendo. Alors j'ai comme cadeau de fête. Alors j'ai utilisé ça pour acheter Blaster Master en digital. Fallait que je le fasse de toute façon. Donc, c'est une série que j'adore beaucoup, Blaster Master Zero. C'est une série hommage au premier Blaster Master sur NES. Hommage au sens qu'ils reprennent l'histoire après ce jeu-là, puis ils continuent. Et puis, les sons qu'il y a dans la version NES se retrouvent, tu sais, dans cette nouvelle série-là. Quand on tire, le bruit, quand tu sors, le petit bonhomme quand il reçoit un hit, quand il meurt, ça c'est tout des rappels, c'est tout des hommages, ils ont tout gardé ça, fait que ça c'est vraiment nice, le petit tank et tout, c'est super bien fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série-là, moi Blaster Master Zero, c'est pour tout le monde, c'est Metroidvania bien sûr, et puis j'avais adoré le premier, j'avais adoré le deuxième. Et puis là, le troisième, j'ai trouvé un petit peu plus difficile, pour être franc. Je trouve que ils te font beaucoup tourner en rond. Puis là, il y a un nouveau système que t'es comme t'as la map, mais t'as aussi un monde parallèle. Il y a comme dans l'écran, il y a une fissure qui apparaît, puis tu peux rentrer dans cette fissure-là pour être d'un genre dans un monde parallèle, là, différent. Mais c'est comme un peu en même temps. Puis ces genres de fissures-là, il y en a à grandeur de la map. Puis des fois, t'as pas le choix de passer là-dedans pour accéder à une autre place, tu sais. Fait que déjà que les maps sont quand même grandes. Puis il y a beaucoup de petites choses sur la map. Beaucoup de portes. Et puis beaucoup de signes qui te disent qu'est-ce qu'il y a quoi où. Puis quand tu utilises un téléport, tu peux un save point. Tu peux téléporter d'une place à l'autre. Et puis d'une planète à l'autre. Et puis, ils te font aller à une place, ils font revenir. Puis, des fois, je savais plus quoi faire pour vrai. J'étais allé sur Internet, puis comme là, je sais plus quoi faire. Puis, il y a comme fallait que je retourne au niveau 1, à telle petite place sur le mur. Il y a comme une place que je peux glisser, puis là, c'est là. Tu sais, il y a des fois que j'ai crissement tourné en rond, là, tu sais. Puis, ça, j'ai trouvé ça un petit peu pénible, pour être franc. Puis, il y a ton tank, il y a beaucoup d'armes principales, il y a beaucoup d'armes secondaires, d'armes spéciales, puis des skills, tu sais, puis le bonhomme. Blaster Master, tu te promènes avec 2D dans un genre de petit tank qui saute et tout ça. Mais aussi, tu peux sortir de ton tank pour rentrer dans des donjons que tu fais en vue de haut. Puis là, tu es ton bonhomme. Et puis, le bonhomme, lui, il y a plusieurs attaques de gun, il y a plusieurs attaques principales, il y a plusieurs attaques counter. Puis tu peux changer ça, puis te mettre des shortcuts, deux shortcuts, tu sais. Puis je trouve que c'est trop. Tu joues, puis tu crées, donne-moi trois guns, puis deux sub-weapons, puis ça suffira, tu sais. Parce que tu passes ton temps à tout braser au travers de ça. Puis là, ils te font jouer avec ça aussi. Ah, là, il y a des switches pour que tu utilises le gun mauve. Ah, là, c'est rendu le gun vert pour unlocker ici. Puis là, les boss, lui, ah, ce boss-là, il est fait avec ce gun-là. Ah, ce boss-là, il est fait avec ce gun-là. Fait que faut tout le temps que tu browses à travers tes puis de changer de gun, puis changer d'affaire, puis changer de sub-weapon. Puis là, avec ton tank, t'es « Ah, ici, il faut que tu utilises le choc électrique pour unlocker ça. Ah, là, ces portails-là, ces bébites-là, ils se tuent seulement avec ça. » Ils te font gosser avec ça, comme si ça rajoutait du plaisir ou du gameplay ou de l'aventure. Mais c'est juste du gossage, au final. Fait que, tu sais, c'est appréciable, puis c'est quand même nice. Et puis, tous les guns différents et tout. Mais je trouve qu'il y en a un petit peu trop. J'aurais aimé ça plus straight. T'sais. Ils ont comme voulu rajouter une nouvelle dimension. Plein de guns, plein d'affaires. Puis là, on se retrouve avec un genre de Gun Vault. C'est fait par NTCreate, ce jeu-là. Compagnie que j'adore, bien sûr. Mais là, ça, Gun Vault, c'est un peu ça qui arrive avec cette série-là. C'est qu'il y a tellement de guns et de patentes. Puis je sais pas si vous avez joué à Mighty Gun Vault. Là, mais moi, ça m'a comme scié. Là, t'sais, t'es comme... Il y a tellement de mix and match de guns que tu peux faire dans Mighty Gun Vault qui te donne des armes différentes et tout. Tu sais, moi, juste Megaman, ça me va. Là. J'ai comme mon gun principal, puis des guns que je peux équiper pour essayer, puis that's it. Fais-moi pas mixer des affaires en plus, man. Je suis pas là pour ça, tu sais. Puis souvent, à Megaman, anyway, j'utilise tout le temps mon gun principal, de toute façon, parce que ça me tente pas de gosser puis de changer de gun tout le temps, tu sais. Fait que c'est le fun quand il y a d'autres guns. Mais quand il y en a trop et qu'ils te forcent à les utiliser tout le temps, c'est un problème. T'sais. Puis c'est ça qui arrive aussi avec Cryon Conquest au NES. Je vous amène loin, là. Cryon's Conquest. Mais c'est une petite sorcière avec des armes, des sub-weapons, tu sais. Puis elle les a toutes tout de suite en partant. Puis ils te les font tellement tout utiliser tout le temps que Chris, man, ça me tente pas de gosser. Hein. Je veux vivre l'aventure, tu sais. Fait que c'est un peu décevant pour ça, Blaster Master Zero 3. L'histoire est quand même... Il y a beaucoup d'histoires, encore une fois, mais je trouve que ça marche, tu sais. Il y a des personnages qui ramènent, tout ça. Ils ont vraiment bâti un très gros lore autour de Blaster Master Zero, puis la série Blaster Master, puis ils utilisent le nom Blaster Master dans le dialogue à un moment donné. Fait que, tu sais, le nom d'origine, ça n'a comme pas vraiment rapport. Blaster Master au NES, Jason est un Master Blaster, tu sais. C'est pas trop, là. Mais là, il te le ramène un peu dans l'histoire, puis il réussit à plugger ça, tu sais. Fait que ça marche, là, tu sais. Puis moi, je trouve que le héros, le main feature de ce jeu-là, c'est le tank, là, tu sais. C'est ça qui est hot. Puis Jason, oui, alright, mais il n'y a pas tant d'histoire autour de Jason, mais là, il y a beaucoup d'histoire autour de Jason, puis de Eve, et puis de tout ça, tu sais. Fait que c'est intéressant. Ces personnages-là sont-ils intéressants? Par contre, semi, je dirais. Mais bon, c'est correct. Il fallait qu'ils rajoutent de la viande autour de l'os, puis ils l'ont fait. Fait que beaucoup de dialogue, mais j'ai tout lu, là, bien sûr, parce que, hey, aussi, t'as pas le choix. Donc, c'est ça. C'est un bon jeu, Blaster Master Zero 3, bien sûr, tu sais. Mais pour l'instant, je pense que c'est celui de la série avec lequel j'ai eu un peu moins... C'est lui que j'ai aimé le moins dans la série, si je me fie juste à comment je me sens en y jouant présentement versus comment je me sentais en jouant aux autres. Peut-être le premier, j'étais tellement mind-blown que ça existe, que je capotais, puis je jouais, puis je trippais. Le deuxième, je suis comme, yeah, plus encore de stock, yeah. Puis là, le troisième, je suis comme, ouais, on a fait le tour, puis là, ils font juste rentrer des affaires dans la gueule, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça que je feel présentement. Mais, puis je l'ai fini, mais j'ai la mauvaise fin. Puis pour avoir la bonne fin, chaque jeu, Blaster Master Zero a deux fins, il me semble. Puis pour avoir la bonne fin dans le 3, il faut que je tue toutes les boss. Il y a des boss que j'ai pas vu quelque part qui restent à tuer. Fait que là, il faut que je repasse toute la map au complet pour essayer de trouver où est le boss ou les boss que je n'ai pas tué. Il y a des power-ups aussi que j'ai pas ramassés. Fait que là, je suis comme un peu tanné. Pis ça... Si j'avais un indicateur au moins où est-ce qu'ils sont, je pourrais y aller. T'sais. Fait que là, ça se peut que j'aille sur Internet pour regarder où est-ce qu'ils sont. Mais je me doute de où ils peuvent peut-être être. Mais puis il y a des sections de map que j'ai pas réussi à accéder encore. Je ne sais pas pourquoi. Où est la porte pour le passage pour me rendre à cette section-là. Puis ça me fait chier. Fait que je veux-tu mettre un autre 5 heures là-dedans? Je sais pas. Là, c'est 10 heures que j'ai faites pour faire le jeu. J'étais à 10 heures. Mais je veux la bonne fin. Il n'est pas question que j'aille la mauvaise fin. T'sais, Chris, c'est super poche en plus de ce qui se passe. Fait que je vais travailler là-dessus. Fait que c'est ça, mes amis. Ah, là, je me tire, là. Donc, ouais, ça a pris un bout avant que je fasse un nouvel épisode de chez Papa Cassette parce que j'étais à la maison, puis j'avais pas la paix, bien sûr. J'avais ramené mon ordi. Mais là, mon ordi est au bureau. Je suis au bureau, et puis les choses se passent. On revient un peu à la normale professionnellement et avec les enfants et tout. Donc, je devrais être en mesure de faire des épisodes régulièrement comme avant. Et puis voilà. Sinon, c'est ça ma vie. C'est ça ma vie présentement. Donc, merci d'avoir été là. Désolé pour le long délai, mesdames et messieurs. Vous avez été patients et très gentils. Alors, merci. Merci de m'encourager. Je rappelle aux gens le groupe Facebook que j'ai créé, Finir des cassettes, qui est de plus en plus populaire. Je le name drop dans mes publications, Papa Cassette. J'ai changé le visuel un peu aussi avant les fêtes, avant le jour de l'an. J'avais un peu de temps, donc j'ai amélioré ça un peu. Pas 100% satisfait, mais c'est plus sympathique. Donc, si vous aimez finir des jeux puis brag sur vos skills ou whatever, allez-y. Puis les gens participent, puis on est rendu à 500. Là, je pense, moi, je retire rien. Je veux dire, j'ai pas de compensation monétaire. Moi, j'ai rien. Là. J'ai juste lancé ça pour le fun. Ben, j'aime finir des jeux puis publier quand je finis des jeux. Fait que faites ça. Là, j'en finis moins ces temps-ci. J'ai moins de participation sur le groupe parce que je finis de moins de jeux. Mes jeux sont plus longs. Mais chaque fois que je finis un jeu, je le poste là-dessus puis je le note dans mon document Excel. Donc voilà, vous irez voir ça si ça vous parle. Club Vidéo Blond, bière et jeux vidéo mis ensemble. Si vous avez des choses que vous aimez faire ensemble, allez voir ça. Rétro Nouveau sur pause jusqu'à ce qu'on puisse se voir en personne. Chose qui ne va pas arriver tout de suite, on dirait bien. Donc, il n'y aura pas de Rétro Nouveau pour l'instant, à moins qu'on se fasse un petit épisode par rapport en remote. Peut-être, ça peut arriver, mais on ne s'est pas parlé, il n'y a aucune promesse Rétro Nouveau sur pause là, indéfiniment pour l'instant, jusqu'à ce que la COVID soit plus slack, un peu. Donc voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'ai mal à la tête de parler tout seul non-stop pendant une heure comme ça. Faut que j'aille travailler aussi. Donc merci beaucoup de votre patience, merci d'avoir été là, et puis on se reparle très bientôt.